sale tempérament. J'suis au-dessus totalement, mentalement. Le rap, mon médicament, mon calmant. J'te haïs amicalement, ne trouves-tu pas qui caille, non? J'te répéterai 100 fois, j'ai le sang froid d'un caïman. Sale tempérament, j'suis au-dessus totalement, mentalement. Le rap, mon médicament, mon calmant. J'te haïs amicalement, ne trouves-tu pas qui caille, non? J'te répéterai 100 fois, j'ai le sang froid d'un caïman. Silencieusement. La glace brûle mais le feu ne gèle pas. Je sais qu'au fond ils ne nous aiment pas et ça ne me gêne pas. Tu sais classique mu, je l'ai dans les gènes. Depuis tout jeune, l'être humain est jeune, la rage d'un indigène. J'ai grippé seul dans ma chambre, des vers déversés. Les lovés, y'en avait peu donc fallait faire son. Ma musique te parle, message universel. Enfant du soleil et ça malgré mon univers sombre. J'en veux à moi-même et j'en veux à tout le monde. C'est atroce comme sourire volontairement à l'enterrement. L'homme est fou et je te le dis clairement. Je me sens concerné entièrement quand je vois ce qui se passe dans le tiers-monde. Je me sens concerné entièrement quand je vois ce qui se passe dans le tiers-monde. Sale tempérament, j'suis au-dessus totalement, mentalement. Le rap, mon médicament, mon calmant. J'te haïs amicalement, ne trouves-tu pas qui caille, non? J'te répéterai 100 fois, j'ai le sang froid d'un caïman. Sale tempérament, j'suis au-dessus totalement, mentalement. Le rap, mon médicament, mon calmant. J'te haïs amicalement, ne trouves-tu pas qui caille, non? J'te répéterai 100 fois, j'ai le sang froid d'un caïman. Demain sera le jour du ravitaillement. Normalement, le bien dit la vérité et le mal ment. Finalement, on se pose les mêmes questions. Je demande où va le monde. Parode avec ras l'écho dans une allemande. C'est la mise à l'amende, la vie une course contre la montre. Et ne rajoutera de l'amiante dans ton thé à la menthe. Solide est l'armature. Frérot, faut que tu saches que l'arme elle tue. J'étais qu'un gosse, mais j'avais l'air mature. Alors dis-moi, est-ce que j'ai l'air bête? Condamné à vivre, personne n'a mangé perpète. Lâche pas l'affaire, tu arriveras peut-être. Et ne me prends pas la tête, moi je vis ce que j'interprète. Lâche pas l'affaire, tu arriveras peut-être. Et ne me prends pas la tête, moi je vis ce que j'interprète. Sale tempérament, j'suis au-dessus totalement, mentalement. Le rap, mon médicament, mon calmant. J'te haïs amicalement, ne trouves-tu pas qui caille, non? J'te répéterai 100 fois, j'ai le sang froid d'un caïman. Sale tempérament, j'suis au-dessus totalement, mentalement. Le rap, mon médicament, mon calmant. J'te haïs amicalement, ne trouves-tu pas qui caille, non? J'te répéterai 100 fois, j'ai le sang froid d'un caïman.